facile à croire de cet homme qui n'avait rien qu'un chat de misère qui a su y faire pour lui changer son destin. En chaussant des bottes, en mangeant un ogre, en peu de temps il changea d'un coup de baguette son malheureux maître en marquis de Carabas. Monsieur le chat beauté, vous n'allez pas me griffer. J'étais venu faire un petit tour afin de vous dire bonjour. Vous êtes le chat le plus beau de cet étrange château. Avec vos bottes, votre chapeau, votre épée et votre beau manteau. Je suis le chat beauté, je ne veux pas vous griffer. Si vous défendez les enfants, les pauvres des braves gens, donnez-moi, donnez-moi le bras pour danser avec moi. Monsieur le chat beauté, pour faire trois petits pas. À quelle rencontre, c'est un chat qui compte, qui miaule et qui fait ronron, qui sur la musique, sans sortir ses griffes, danse comme un rat fripon. Prenez donc ma chère, ma patte légère. Eh bien bougre d'animal, entrons dans la danse, la fête commence, nous allons ouvrir le bal. Monsieur le chat beauté, vous n'allez pas me griffer. J'étais venu faire un petit tour afin de vous dire bonjour. Vous êtes le chat le plus beau de cet étrange château. Avec vos bottes, votre chapeau, votre épée et votre beau manteau. Je suis le chat beauté, je ne veux pas vous griffer. Si vous défendez les enfants, les pauvres et les braves gens, donnez-moi, donnez-moi le bras pour danser avec moi. Monsieur le chat beauté, pour faire trois petits pas. Monsieur le chat beauté.